Salut à toi et bienvenue sur ce podcast du blog eComConvert, blog qui va t'apprendre à générer plus de revenus via ta boutique en ligne, notamment en augmentant ton taux de conversion. Je compte pas le nombre de e-commerçants qui n'ont pas de connaissances sur le taux de conversion, qui ne savent pas ce que c'est. C'est quand même assez dingue étant donné que c'est quand même une métrique hyper importante dans le monde du business, notamment dans le commerce en fait. Si tu n'as pas connaissance de ce que c'est le taux de conversion, il y a de grandes chances que tu aies perdu pas mal d'argent et que tu n'aies absolument pas atteint ton potentiel le plus élevé pour ta boutique en ligne. Maintenant, si je te disais qu'en augmentant ton taux de conversion, par exemple ne serait-ce que d'1 ou 2%, tu pourrais doubler ton chiffre d'affaires annuel. Bah forcément, là, ça en jette un peu plus, tu vois. Maintenant, en fait, je vais t'expliquer ce que c'est le taux de conversion et à quel point il est important pour toi d'y faire attention et de veiller à l'augmenter. Je vais aussi te donner 3 axes à focus. En fait, ce que j'appelle des axes, c'est des choses sur ta boutique en ligne qu'il va falloir que tu améliores pour pouvoir espérer le voir se développer de manière assez exponentielle selon les cas. Donc si tu veux exploser ton chiffre d'affaires annuel et augmenter ta rentabilité, continue d'écouter ce podcast, je t'emmène avec moi, c'est parti. Ok, donc si t'es toujours là, c'est que j'ai réussi à capter ton attention, du moins je l'espère. Si c'est pas le cas, si tu trouves que mon podcast démarre assez mal, n'hésite pas à me contacter pour me le dire, c'est mon tout premier podcast, j'essaie vraiment de m'améliorer. Donc, le taux de conversion, c'est quoi? Comment le calcule-t-on? Le taux de conversion est le résultat d'un calcul très simple qui est le suivant, 100 divisé par 10. 100 représente ton nombre de visiteurs sur ta boutique e-commerce par jour par exemple, et 10 représente le nombre de visiteurs ayant effectué une action voulue, dans l'autre cas ce sera un achat. Dans cet exemple-là, le calcul est très simple, vous l'avez probablement même déjà calculé, votre taux de conversion sera donc de 10%, tout simplement. Mais alors pourquoi le taux de conversion est si important que ça pour votre business en ligne? Eh bien tout simplement parce qu'il vous permet de savoir si votre boutique convertit correctement vos visiteurs. Je m'explique. Prenons l'exemple, vous êtes un e-commerçant qui vend des vêtements. Le taux de conversion de ce marché-là est d'environ 3 à 4%. D'accord ? Si vous vendez les mêmes produits que vos concurrents et que votre taux de conversion est inférieur à la moyenne, c'est que votre boutique a un potentiel non exploité. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chose, mais pour moi, ça signifie clairement que votre boutique e-commerce peut être optimisée, ce qui en résulterait d'un plus gros chiffre d'affaires, tout simplement. Admettons toujours que votre boutique commerce soit dans la mode, d'accord? Donc votre taux de conversion moyen devrait se situer aux alentours de 3 à 4% si vous avez une boutique qui répond aux normes, en termes de design, de qualité de service, de service après-vente, etc. Moyen, voilà. Admettons que vous réussissiez à augmenter ce taux de conversion à 5%. C'est une augmentation de 1 à 2% par rapport à la norme sur ce marché-là. 1%, dit comme ça, ça n'a pas l'air énorme, mais imaginez un client en plus achetant sur votre boutique tous les jours. Ça fait 30 clients en plus par mois. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais faites le calcul, à l'année, ça fait 360 nouveaux clients. C'est énorme, ça peut littéralement faire exploser votre chiffre d'affaires. C'est phénoménal. Alors là, on part du principe que votre boutique génère 100 visiteurs par jour. Mais imaginez si elle en génère plus, voire beaucoup plus. Enfin bref, maintenant, je pense que vous avez compris à quel point il est important pour vous de vous concentrer sur l'augmentation de votre taux de conversion. Je vais maintenant vous donner les 3 axes sur lesquels vous allez devoir vous concentrer pour pouvoir augmenter votre taux de conversion. Premièrement, et d'ailleurs ça semble même assez évident, j'ai envie de vous dire, c'est d'avoir une boutique professionnelle. Alors, dit comme ça, ça fait un peu bateau, mais en réalité, il y a beaucoup d'e-commerçants qui possèdent des boutiques qui ne sont absolument pas professionnelles, mais vraiment pas. Alors bien sûr, c'est pas forcément de leur faute, étant donné qu'ils sont pas forcément du métier. Ils ont pas forcément des notions en termes de design, de couleur, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous recommande, si vous voulez vous lancer dans le e-commerce, de faire appel à un professionnel si vous en avez les moyens. Parce que bien souvent, ça va vous coûter déjà beaucoup de temps, et je dis bien coûte parce que effectivement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, le temps, dans certains cas, bien souvent, c'est vraiment de l'argent, c'est pas du vent. Le temps, une fois qu'on entreprend, on est tout seul, on doit tout faire tout seul, on doit s'occuper de pas mal de choses, surtout au début, hein. Bien sûr, après, on peut déléguer, etc. Mais bref, là n'est pas le sujet. C'est pour ça que si vous en avez les moyens, passez par un professionnel de la création de sites internet e-commerce. Tout simplement. Ça vous fera gagner déjà un temps phénoménal. Donc, vous allez pouvoir investir votre temps sur, par exemple, la recherche de produits ou la recherche de fournisseurs, etc., etc. Enfin, bref, tout un tas de choses très utiles et qui a tout autour du e-commerce. Mais en plus de ça, ça vous assure aussi, enfin, si vous choisissez bien votre prestataire, en tout cas, d'avoir une boutique vraiment professionnelle et bien optimisée. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une boutique juste jolie. Il faut aussi qu'elle soit fonctionnelle, rapide, etc., etc. De même, pareil, si vous vous lancez sur un marché assez concurrentiel, n'imaginez pas pouvoir concurrencer bien vos rivaux avec une boutique dite toute simple, standard, quoi, avec aucune plus-value, en fait, si je puis dire. Il va falloir vraiment investir dans votre créativité ou la créativité pardon, de votre prestataire pour faire la différence sur votre marché-là. C'est pas une mince affaire, je vous le cache pas, clairement. Mais voilà, c'est ce que je vous recommande vraiment de faire si vous souhaitez vraiment créer une activité pérenne, sereine et que vous avez une vision long-termiste. Pour le service après-vente, c'est pareil. Tu vois, nous maintenant on est habitué à des services après-vente tels que Amazon ou Asos le proposent. C'est des services après-vente qui sont vraiment géniaux. Une fois que tu es habitué à ça et que tu te retrouves avec un service après-vente dit standard ou pas ouf quoi, et ben ça te fait bizarre. Et t'as l'impression que ces boutiques-là en fait elles s'en branlent de toi, tu vois. Alors qu'en fait c'est pas le cas, c'est juste que eux ils ont pas le même niveau de service après-vente que ces deux entités dont je t'ai parlé juste avant, tu vois. Là où je veux en venir, c'est qu'il faut vraiment mettre le paquet sur le service après-vente. Il ne faut pas se contenter voilà, de bien répondre aux mails, d'être poli, etc., etc. Non. Si tu vends un produit, que le produit arrive cassé chez ton client, bah, ça semble évident que soit tu le rembourses. Bon, dans les faits, tu vas essayer de ne pas le rembourser. Tu vas faire ce que je vais te conseiller de faire. Donc, soit de lui renvoyer un produit, soit de lui présenter un bon d'achat. Voilà. Après, si le client n'est vraiment pas content et qu'il veut absolument que tu le rembourses, eh bien, tu fais pas chier et tu le rembourses. Et je vous assure que ça vous octroiera beaucoup, beaucoup de points. Il y a une phrase qui est souvent dite dans le milieu du commerce, c'est un client insatisfait, donc qui n'est pas content, va faire beaucoup plus de bruit que 100 clients qui sont contents de vos services. Et c'est la stricte vérité. Un client qui n'est pas content de votre service, il va le crier sur tous les toits. Moi le premier d'ailleurs. Hein. Par contre, quand je suis content, c'est vrai que je me fais plus discret. Je vais quand même essayer de mettre un petit avis positif, etc. Mais si je suis pas content du produit que j'ai acheté ou du service auquel je viens de payer, eh ben c'est sûr que je vais le dire à pas mal de monde. Ouais, voilà, j'ai payé ci, j'ai payé ça, et franchement ça marche pas bien, c'est un peu pourri, etc., etc. Je vais en parler beaucoup plus. Alors que quand je vais être satisfait réellement d'un produit, je vais aussi en parler, mais probablement pas autant. Et en fait, c'est humain, tout le monde réagit quasiment comme ça, quoi. Faut juste le prendre en compte et agir en conséquence. Donc, en ayant un service après-vente impeccable, vraiment impeccable. C'est vraiment très, très, très important. Un autre point sur lequel j'aimerais insister avec vous, c'est la sécurisation de votre boutique e-commerce. Ça semble carrément évident de sécuriser son site internet lorsque l'on vend des choses, mais dans les faits, ça m'arrive encore souvent, et même des fois des boutiques de grandes marques qui ne sont pas sécurisées. Alors, effectivement, souvent, leur page de paiement est sécurisée, elle. Mais quand t'arrives et que tu vois, un cadenas rouge ou, un cadenas orange en haut à gauche du site internet, ça donne pas confiance. Moi, personnellement, quand je vois ça, je me dis, mon gars, t'auras pas mes données perso, toi, tu vois. Je vais même pas m'inscrire, en fait, parce que je tiens à mes données personnelles. Il y a beaucoup de gens qui ont le même état d'esprit que moi, qui ont la même démarche. Et c'est très important. Alors, maintenant, franchement, je peux m'avancer sans trop prendre de risques que 95% des boutiques en ligne aujourd'hui sont entièrement sécurisées. Mais je tiens quand même à le préciser parce que ça arrive encore que des e-commerçants ne sécurisent pas intégralement leur boutique en ligne. Voilà, donc si je devais résumer pour cet axe à focus, donc pour avoir une boutique professionnelle, il faut déjà premièrement, si c'est possible, passer par un professionnel qui s'y connaît vraiment bien là-dedans, donc pas forcément un créateur de site généraliste qui peut tout faire. Non, je parle d'un spécialiste, quoi. Ça vous coûtera un petit peu plus cher, certes, mais au moins vous aurez vraiment un très bon résultat. Ensuite, deuxièmement, effectivement, si vous n'avez pas les moyens de faire appel à un professionnel, faites ça vous-même, prenez le temps, vraiment ne vous précipitez pas, essayez de vous former, regardez des vidéos sur YouTube, continuez à suivre mes podcasts, à suivre mon blog, à y participer en me donnant vos avis, etc. Mais voilà, c'est possible. Mais dans l'idéal, si vous avez voilà, de l'argent à investir, eh bien, investissez dans un professionnel. Mais quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas les moyens, si vous n'en avez pas les moyens, c'est pas grave. Mais dans ce cas-là, prenez le temps et formez-vous. Voilà, c'est vraiment super important. Ensuite, voilà, sur les petits points à focus pour la boutique professionnelle, c'est vraiment donc la sécurisation globale et intégrale de votre site internet et vraiment faire crédible aux yeux de vos internautes avec un très bon design, de très belles photos, de très bonnes couleurs, enfin des couleurs en tout cas adaptées à votre image de marque, à vos produits, à votre marché. C'est vraiment très important et ça fera réellement la différence auprès de vos visiteurs et de vos concurrents. Maintenant, parlons du deuxième axe à focus qui va vous permettre d'augmenter votre taux de conversion de manière assez ouf dans certains cas, c'est la page produit. La page produit est souvent négligée des e-commerçants et c'est quand même assez dingue parce que c'est quand même la base d'avoir une belle page pour présenter ses produits. Et ça m'étonne de l'avoir si peu exploité de nos jours, d'autant plus qu'on sait qu'à présent, une belle présentation, une vidéo, des belles photos, etc. Ça amène quand même plus les gens à acheter quelque chose. Je veux dire, toi, quand t'achètes un truc sur internet, je sais pas, tu vas plus avoir tendance à acheter ce même produit-là, qui est présent sur plein d'autres sites, sur le site qui va te présenter le produit avec, genre, je sais pas moi, des petites histoires, une belle photo, genre même une présentation vidéo du produit, etc. Tu vois, genre en fait, c'est juste logique. Et c'est évident, si tu veux vraiment faire exploser ton taux de conversion, tu vois, que tu doives fournir ce genre de valeur à tes visiteurs. C'est tout simplement de la plus-value. Et la plus-value, les clients, eh bien, crois-moi, ils la sentent. Quand toi, tu as le choix entre deux sites internet pour acheter ton produit, bon, déjà, il y a le facteur de prix qui va entrer en compte. Forcément, tu vas quand même apporter de l'importance au prix d'achat de ce même produit-là. Mais au-delà de ça, si ces deux produits ont le même prix, qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas acheter ce produit-là sur l'un des deux sites? Eh ben, l'image de marque, leur service client, voilà, si y a beaucoup de témoignages clients qui sont satisfaits, etc. Des belles photos, voilà, des trucs qui donnent confiance comme ça, tu vois. Et c'est complètement normal. Donc, une page produit optimisée, ça augmente de manière naturelle, et c'est complètement normal quand on y pense, son taux de conversion. Donc, à ne surtout pas négliger, il faut vraiment mettre le paquet. N'hésitez pas à payer un photographe pour qu'il vous fasse des belles photos de vos produits, payer des monteurs vidéo, des vidéastes pour la présentation de vos produits. Bon, là, en soi, ça commence un petit peu à partir en couille, étant donné que ça coûte beaucoup d'argent, mais en soi, pour les photos, vous pourriez tout simplement acheter un petit studio box sur Amazon pour une cinquantaine d'euros, sortir votre smartphone et commencer à prendre des photos de vos produits. Et ben déjà là, vos photos de produits auraient déjà un autre niveau. Ensuite, pareil pour l'écriture de vos pages produits, n'hésitez pas à faire appel à des rédacteurs. Il y a des rédacteurs web qui existent, on peut en trouver sur la plateforme par exemple Fiverr ou 5euros.com. On peut obtenir un certain niveau de qualité de prestation de service qui est franchement pas dégueu. Dans certains cas, après faut bien trouver les prestataires, mais quoi qu'il en soit, rien ne vous empêche de tester plusieurs prestataires pour 5€, voir ce que ça donne, voir un petit peu leur niveau, etc. Mais franchement, ça peut déjà aussi, encore une fois, augmenter naturellement votre taux de conversion sur vos pages produits. Et ça, c'est vraiment un investissement peu cher pour essayer de gratter encore un peu plus de ventes chaque jour. C'est vraiment très important, le storytelling. Venons-en maintenant à l'axe numéro 3, j'ai nommé le tunnel de vente. Le tunnel de vente fait partie intégrante de votre stratégie d'optimisation de votre taux de conversion. Si vous ne savez pas ce que c'est un tunnel de vente, sachez que si vous possédez une boutique e-commerce, vous avez obligatoirement un tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est quoi? C'est en fait le chemin que va parcourir votre potentiel client jusqu'au moment de payer, de sortir sa carte bleue et enfin de vous passer commande. Maintenant, vous allez probablement me demander comment l'optimiser. Et bien en fait, dans bien des cas, il suffit de le raccourcir au maximum. Si par exemple, vous vendez un produit, un monoproduit, vous avez une boutique, une boutique e-commerce, et vous ne vendez qu'un seul et unique produit, et bien vous pourriez par exemple déjà supprimer la page panier. Eh oui, la page panier, dans ce genre de cas-là, elle sert strictement à rien, étant donné que ton client sait d'ores et déjà que tu vends qu'un seul et unique produit, étant donné que le design et que tout ton site fait en sorte que, voilà, on sait que tu ne vends qu'un seul produit, que tu ne vends que ça. Ça peut être n'importe quoi, j'en sais rien moi, une formation, une bouteille d'eau, enfin bref, peu importe. Ton client sait que tu ne vends qu'une seule et unique chose, donc il n'a pas besoin qu'on lui rappelle avec une page panier. Tu vois ce que je veux dire? Donc supprime cette page panier qui ne sert strictement à rien à part faire baisser ton taux de conversion. Bien sûr, c'est sans oublier le fait qu'ensuite tu doives rediriger ton client sur la page de commande. Hein. Ah, bien sûr, tu supprimes pas la page panier pour ensuite ne rien faire une fois que ton client appuie sur le bouton, c'est évident quoi. Donc voilà, donc une fois que ton client appuie sur le bouton commander ou acheter ou un truc dans le genre, tu dois rediriger ton client sur la page de commande directement. À ce moment-là, si ton client veut avoir le choix d'acheter plusieurs fois cet article, eh ben tu dois lui donner, tu vois. Avec une page panier, ça c'est un peu plus facile, mais bon, si c'est possible, eh bien essaie de faire en sorte que ton client puisse commander telle ou telle quantité sur ta page de commande. C'est très important ça. Ou directement sur la page produit, donc ta page d'accueil, ou je ne sais quelle page sur laquelle tu vends ton produit. Voilà, c'est très important. Le podcast touche maintenant à sa fin et on arrive à la conclusion. Tu as appris maintenant ce qu'est le taux de conversion et à quel point il est important pour ton business en ligne. Je t'ai présenté les trois axes les plus importants à focus pour augmenter ton taux de conversion, donc à savoir, sans ordre précis, hein, tu focus celui que tu veux, donc le tunnel de vente, la page produit à optimiser et la boutique professionnelle. Je suis volontairement pas entré dans les détails de chacun de ces axes à focus pour la simple et bonne raison que sinon le podcast aurait duré trop longtemps. Il dure déjà presque 15 minutes je crois, j'ai pas le chiffre exact, mais c'est quand même déjà assez long et je souhaite créer des articles et des podcasts vraiment concentrés sur chacun de ces sujets-là parce que c'est vraiment des sujets sur lesquels je pourrais discuter, débattre des heures et des heures tellement j'ai de choses à dire et de conseils à refourguer aux gens. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai essayé d'être le plus concis et le plus clair dans ces petits conseils. Et c'est la raison pour laquelle je suis pas trop entré dans tous les détails de chacun de ces sujets-là. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce premier podcast t'aura plu et qu'il aura pu t'aider ou commencer à te guider sur la voie du taux de conversion et de son optimisation et que ton intérêt à ce sujet-là a commencé à naître ou à se confirmer si tu avais déjà quelques notions en taux de conversion. Si vous avez des suggestions, si vous avez des avis à me faire part sur ce podcast, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail pro, donc c'est contact@icom-convert.com. J'y répondrai avec grand plaisir ou sinon directement sur mon blog icom-convert.com dans les commentaires. Juste une dernière chose les amis, une chose que j'ai oublié de vous parler durant le podcast, vous avez la possibilité de voter pour le prochain article que je crée. Donc à savoir, vous avez le choix entre l'optimisation de votre page produit, l'optimisation de votre tunnel de vente ou comment rendre votre boutique plus professionnelle et vraiment crédible aux yeux de vos visiteurs. Donc pour cela, il n'y a rien de plus simple, vous vous rendez sur mon blog icom-convert.com et vous cliquez sur le premier article donc qui se nomme « Qu'est-ce que le taux de conversion et comment l'améliorer ?» et vous descendez tout en bas de l'article et vous votez pour l'article que vous souhaitez voir paraître le plus vite possible. Voilà, c'était tout, maintenant je vous laisse vraiment, bye.